Chapitre 3. Ah ça, pourquoi l'oncle Billot n'aura-t-il pas de fête, dit Jean, un jour au cabaret? Mais c'est une idée, ça, répondit le patron, qui vit de suite de quel profit lui sera cette innovation. Comment cette idée-là n'est-elle pas venue à personne? Vite, il fallait s'en occuper. Et Jean, n'ayant rien à faire, disait-on, fut chargé par le cabaretier, les clercs du notaire et quelques petits boutiquiers, de chercher les moyens d'organiser la fête, qui devrait avoir lieu avant la fin des beaux jours. Jean avait commission pour demander au château la subvention indispensable. Les autres n'étaient pas encore repartis pour Paris, ça tombait à merveille. Jean se rappela aussitôt l'apparition du chemin creux, l'Amazone avec son père au fond de la grande avenue. Il se décida à y aller. Qui sait, peut-être reverrait-il la jeune fille. Il charmerait le père, il se ferait peut-être inviter au château. Peut-être était-ce la Béatrix qui lui était destinée. On a vu plus fort que ça. Et sans qu'il s'y arrêtât, ses suppositions trottaient dans sa cervelle. Il arriva à la grille du parc, le lendemain, après le déjeuner. Il s'attendait à trouver la famille sur la pelouse, où les châtelains jouaient souvent au croquet. Ou bien on le recevrait au salon. Peut-être le maître l'inviterait-il à une partie de billard, n'étant pas fâché, sans doute, de rencontrer un garçon intelligent dans ce coin de pays. Jean sonna et demanda au jardinier, qu'il connaissait, à parler à son maître. « Tenez, monsieur Jean, il est juste dans la serre. Venez-y. » Son cœur battait la chamade. Il allait probablement trouver la jeune fille au milieu des fleurs, grisées de leur odeur chaude. Il avait lu que les femmes dans une serre ont toujours les yeux plus doux. Il entra. « Monsieur, dit-il en saluant. » Jean se trouva un peu timide devant l'ancien officier. Cette demande d'argent l'ennuyait à faire. Il ne s'était décidé que dans l'espoir de rencontrer la jeune Amazone à l'octave feuillet. Elle n'était pas là. Son aplomb tombait. Et la crainte lui venait d'être gauche en présence du gros gentilhomme qui ne le recevait pas à bras ouverts. Enfin, il expliqua son motif de sa visite. « Ah, c'est une riche idée qu'on a eue là, répondit le châtelain. Le pays était tranquille, et vous allez l'emplir d'orgues de barbarie, de mendiants et de saltimbanques. Quand donc sera la fête ? Dites-le-moi pour que je retourne à Paris la veille. » Et en parlant, il sortit un louis de son gousset, le donna à Jean, qui, rougissant, remercia en s'inclinant par trois fois. Quel échec ! Les organisateurs s'attendaient à recevoir du château au moins 100 francs, et il leur apportait un louis. Et donné de quelle façon ? Certainement, on dirait qu'il s'y était mal pris. Et du coup, il venait de se fermer les portes de la tour où résidait sa belle. Car il ne pourrait plus s'y présenter maintenant. Était-il assez bête ? Il lui aurait été plus facile de faire connaissance avec le châtelain dans quelques parties de chasse où l'on est plus aimable avec les inconnus, où tous sont égaux devant le coup de fusil. Comment n'avait-il pas songé à cela ? Maintenant, c'était fini. Avant de retourner au cabaret, Jean alla voir son oncle et lui raconta sa visite au château. « Ah, c'est comme ça, dit le vieux rentier. Eh bien, nous allons lui montrer que les gens du pays peuvent se passer de lui. » Et il donna 5 louis pour sa cotisation. Le comité nomma Régalard président, et on parla beaucoup de cette affaire dans le village, où la fête devait avoir lieu le premier dimanche du mois suivant.